Ben l'homme au micro c'est Pancho. Pour sélectamment à one oh. Les en fiction. C'est la street dangerous. Point de la rue raison. Yeah, elle résonne. Et tu sais nous ça vient. Pour nous résonne. Ça va faire mal. Il y a une putain de limite.